Les amateurs de films d'horreur sont connus pour avoir des épines d'acier et une très grande tolérance pour le sang et les entrailles. Lorsque vous regardez un film d'horreur, vous savez que la peur et le frisson que vous ressentez se termineront une fois le film terminé. C'est pourquoi la peur que nous ressentons en regardant un film d'horreur est agréable.